Dans son temps, un bon chiffre, c'est un gros chiffre, parce qu'on a reçu 2,17 de la commission scolaire pour 2008-2009. Et on met sur la table pour aider cette année-là 7,4 globalement, dont 5% juste sur le taux de salaire.